Merci Mike, on te retrouve mercredi prochain, même endroit, même heure. Belle soirée à toi. Musique live avec Yo sur Fadjet, chaque deuxième et quatrième mercredi du mois. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous les amis de la musique vivante et des ambiances de concert. Bienvenue à ce nouveau numéro de Musique Live sur Fadjet, tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois. La journée était bonne pour vous? Vous êtes cool sur la route pour rentrer ou vous êtes déjà installé tranquillou à la maison? Alors allez vous chercher un bon thé, un bon café, une petite douceur. Installez-vous confortablement sur votre canapé. Ce soir, je vous embarque avec moi pour un voyage tout en musique. On part direction là où il fait beau, à Los Angeles, pour vous raconter la fabuleuse histoire d'un quartier, celui de L.A., celui de Laurel Canyon. Vous êtes prêts? On décolle et avec les Eagles pour une chanson écrite et composée par à Laurel Canyon fin 1971 par Jackson Browne et Glenn Frey. Take It Easy, une version live de 1993 au retour du groupe après 13 ans d'absence. Ouais, ce soir, c'est cool sur Fadjet. Alors, quelques précisions tout de même avant de poser le pied sur le sol de Los Angeles. Sachez que cette ville fait 150 km de long. Elle représente environ 12 fois la taille de Paris. Mais il est assez simple de se repérer parce que le plan des rues est à l'américaine, comme à New York, c'est-à-dire avec des avenues toutes droites, parallèle et perpendiculaire comme une page à carreaux. Los Angeles se compose comme une grande baie avec d'un côté donc l'océan Pacifique et de l'autre côté le centre et les collines des différents quartiers. Avant l'atterrissage à LAX Airport, l'aéroport de Los Angeles, l'avion passe au-dessus tout en amorçant son atterrissage. Vous allez voir un gros hangar, une salle de concert mythique à où tous les grands sont passés, c'est le fameux Forum, qui est situé exactement à Inglewood, dans la banlieue proche de Los Angeles, à côté de l'aéroport, qui est quasiment, c'est quand l'avion va quasiment atterrir qu'on voit ce hangar, cette salle de concert. Une fois arrivé, le mieux, c'est de prendre la navette ou le bus en direction du centre-ville, qui se trouve à 30 km hein, quand même, de là. Et oui, tout est grand, les distances aussi. À Downtown, lorsqu'on arrive au centre-ville, on voit la gare d'Union Station, on prend le bus et direction Laurel Canyon Station. Le boulevard fait quand même 17 km de long. Vous allez passer par West Hollywood, puis les studios de cinéma Universal sur Hollywood Boulevard, et enfin, à droite, boulevard Laurel Canyon. Et là, on y est. Bon, enfin presque, hein, parce que ça monte. Normal, on est sur les collines. Et d'ailleurs, on va tout en haut de Laurel Canyon, on va avoir un super point de vue sur tout le centre-ville, les artères de Los Angeles et évidemment l'océan Pacifique juste en face. Ça vaut vraiment quelques clichés. Bon, nous, on sort du bus, hein, pas tout à fait à la moitié du boulevard, un peu avant même. Et on va aller direction, on le voit, aperçoit juste à gauche, quasiment en face, au 2108 boulevard Laurel Canyon, au Canyon Store. Alors le Canyon Store, c'est un lieu mythique déjà, parce que toutes les stars sont passées ici pour se ravitailler, acheter de la bière, ou des œufs, ou des burgers, beaucoup de stars sont passés. Avec un peu de chance, on va même peut-être en croiser une, même si la plupart ont déménagé, ou certains même sont décédés. Pour la pause, on va faire un titre qui représente bien l'âme du quartier, avec Love the One You Wave, créé en 1970 à Laurel Canyon par Stephen Stills, l'ex-mari de Véronique Sanson et le papa de Titou, que on va écouter avec le célèbre band CSNY, Christine Nash & Young, en 1970, justement au Forum de LA. C'est parti, Love the One You With. We're gonna do one more song and then we're gonna take a 10-minute break and then come back and play electric music and boogie. This one's called If You Can't Be With The One You Love, Love The One You're With. If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration will slip away, 'cause your baby is so far away. And there's a love in the mystic dove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. And come on, love the one you're with. Everybody just love the one you're with. And you got to love the one you're with. Hey, baby, don't be sad. Don't sit quiet over good times ahead. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a love in the twisted dove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with, and you got to Voilà, on fait la pause et avant de repartir, il faut que je vous explique quand même un peu l'histoire de ce quartier. Ce quartier fut à l'origine habité par une tribu, les Tuonga, est dénommé ainsi par les Espagnols qui occupèrent la Californie au XVe siècle. Il y demeure encore quelques descendants. En 1848, la Californie est cédée aux États-Unis. Début du XXe siècle, une partie du quartier est cédée à des investisseurs immobiliers qui créent une zone résidentielle et un parc. Tout autour, d'autres nouveaux venus s'installent, comme ils peuvent, parfois en construisant des cabanes, des bungalows, etc. Un quartier riche et pauvre à la fois. Au début des années 60-70, le berceau de la contre-culture américaine s'installe là. Des peintres, des artistes, des sculpteurs, des photographes, brocanteurs arrivent de tous les USA et insufflent un style de certains quartiers aussi que l'on peut trouver à San Francisco, comme la fameuse Maison Bleue de Maxime Le Forestier. Bref, la contre-culture et la résistance au pouvoir central américain, antimilitariste, qui prône la liberté d'expression et des mœurs. Bref, l'esprit baba cool. C'est pas cher, c'est cool. C'est toute une jeunesse militante qui arrive et on fait venir les copains. Ok, vous situez l'ambiance? Bon. Alors, on sort du store maintenant et on prend la première à gauche. Et on arrive là où tous les artistes qui sont venus, des stars, ont habitué. La première artiste connue qui s'y installe est Joni Mitchell. Non, pas Eddie Mitchell, Joni Mitchell, J-O-N-I. Originaire du Canada, elle s'y installe en 1964 sans papier officiel, comme beaucoup, et fait un album, puis une tournée, puis découvre l'Europe, car notre vieux continent a toujours attiré les jeunes artistes américains de par leur intérêt pour le pop art, pour les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, vive la France! Ses multiples concerts vont la rendre célèbre, notamment lors de son passage au festival de Woodstock en 1969. Allez, on l'écoute avec Freeman in Paris en live, et ça, c'était en 79. Somebody calling you down, I do my best, I do good business. it for. If I had my way, I'd just walk through these doors and wander down the Champs-Élysées. Oh, and café to cabaret, thinking how I feel when I find that very good friend of mine. He said I was a free man. Mais la première maison qu'on va voir, c'est celle de Jim Morrison. Enfin, c'était pas sa maison, hein. Il était locataire, vous voyez là, la grosse maison blanche, avec la terrasse au premier étage. Ben, si vous regardez sur le côté de la maison, à l'extrémité, vous voyez deux fenêtres. C'était un studio où il habitait avec Pamela Courson, avant de venir à Paris, où il y trouva une mort tragique. Parmi tous les artistes qui ont vécu, et pour nous y retrouver, il vaut mieux d'abord aller d'ailleurs passer à l'office du tourisme, qu'on appelle Tourist Board, pour avoir les plans des quartiers, du quartier, parce que ça fait quand même quelques kilomètres à pied à faire, et découvrir au fur et à mesure les maisons de là où ont vécu les grandes vedettes de l'époque. Arrive peu de temps après Neil Young, Canadien lui aussi, repoussé trois fois à la frontière et arrivé planqué dans un camion, donc sans papier. Il s'installe chez son ami David Crosby et va commencer à écrire et à composer, sortir un album même, faire des concerts et rencontrer Stephen Stills, qu'il connaissait déjà puisqu'ils avaient joué ensemble dans le fameux groupe Buffalo Springfield. Et il rencontre aussi pour la première fois le Britannique Graham Nash. Ils vont former ensemble CNSY, Crosby, Stills, Nash et Young. En même temps, pas très longtemps, hein, ça va durer moins d'un an l'expérience. Et parce qu'en même temps, Neil Young fait un album qui va marquer son temps et jusqu'à aujourd'hui encore, le célèbre album Harvest. On écoute en live le premier morceau de l'album Harvest, Out the Weekend, lors d'un concert à la BBC à Londres en 1971. Down today, She's so fine, she's in my mind, I hear her calling. See the lonely boy out on the weekend, trying to make it pay. Can't relate to joy, he tries to speak and can't begin to say. On the wall, he made me look up from her big brass bed. Ooh. Somewhere in her head, see the lonely boy. It's a new song I wrote about my ranch. I live on a ranch in California. And I just bought it a while ago from these two lawyers. And there was an old man living on it. I don't know if you have things like that here, like foreman on ranches. He's like an old caretaker, takes care of all the cows, fences and everything. So I wrote this song. Une autre artiste va aussi donner du relief à ce quartier et va participer grandement à sa renommée. C'est Carole King, une auteure, compositrice, qui va créer de nombreuses chansons pour les autres avant de passer derrière le micro grâce à son acolyte de cette période, James Taylor, qui était son voisin de quartier. On va écouter trois titres, tous écrits est composé à Laurel Canyon. D'abord, la plus connue des compositions de Carole King, qui est You've Got a Friend, de 1971, interprétée par elle-même en live en 2021 au festival de Montreux en Suisse, qui a été connue, la chanson, par James Taylor, et reprise de multiples fois, notamment par Paul Simon, et en France par Michel Delpech, dans une très belle adaptation française. Puis on écoutera James Taylor dans un de ses plus grand succès, Caroline in My Mind, de 1968, en live, en 2022. Et enfin, un duo James Taylor et Francis Cabrel, surprenant. Cabrel qui est très influencé hein, par cette musique de Californie, dans un titre de 1979 de James Taylor qui s'appelle Milwaukee, devenu La Fabrique, dans cette adaptation parfaite en français. Allez, on écoute tout ça. In my mind, I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Leaning just like a friend of mine to keep me from behind. But now I'm going to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch it shine. Watch her once the morning come. A silver tear appearing now, a whisper something soft and kind. Hey, baby, the sky's on fire, I'm dying, did I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind till I'm gone to Carolina in my mind? Dark and silent late last night, I think we might have heard the highway calling. Peace and flight and dogs at bite. Signs that might be open say I'm going gone to Carolina in my mind. It's a holy host, no others stand around me. Still I'm on the dark side of. Forgive me if I've been gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? I said, can't you just feel the moonshine? J'avais reconnu, c'était bien James Taylor, et c'est maintenant qu'on écoute Carole King. I don't know if y'all recognize the cats, but here's Danny Kortchmar, Lee Sklar, and Russ Kunkel. When you're down and troubled, night. everybody please sing along. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, to see you again. Winter, spring, summer, King. Vous êtes bien sûr Fadjet 94.2 et Fadjet.net dans l'émission Live Music pour une balade musicale ensemble à Los Angeles dans le quartier de Laurel Canyon qui a sans doute donné lieu à une des plus belles pages que la musique des années 60 et 70 nous a donné. Et maintenant on retrouve comme prévu un duo étonnant, James Taylor et Francis Cabrel, Mill Walker, en français La Fabrique. Just jusqu'au bout de ma vie. Begins to wander to the days back on the farm. I can see my father smiling at me, swinging on his arm. I hear my granddad's stories of storms out on Lake Erie, with vessels and cargoes and fortunes and sailors' lives were lost. C'est ma vie qui a été gâchée, et c'est moi qui ai eu tort de laisser cette fabrique pour rien utiliser mon corps. Quand je vais rentrer chez moi ce soir, quand je vais regarder mes mains, je vais me dire qu'au moins une fois j'aurais aimé avoir la chance d'aller plus loin. And so may I work your mill just as long as I'm able, and never meet the man whose name is on the label. It'd be me and my machine for the rest of the morning and the rest of the afternoon gone, for the rest of my life. Vous dire qu'il était fier, Francis Cabrel, de chanter avec James Taylor, et c'était un duo en plus qui était vraiment sympa et très respectueux l'un envers l'autre. Allez, on continue notre balade à Lorraine Canyon, parce que c'est pas fini, hein, car tant d'artistes sont venus vivre ici, et voici une petite liste non exhaustive de ceux qui ont planté un jour pendant quelques mois, quelques années, leurs pas dans les appartements et les maisons de Lorraine Canyon. Je cite par exemple Jimi Hendrix, Iggy Pop, Graham Fry, Frank Zappa, John David Souther, Cass Elliot, le fameux chanteur des Papas and Mamas, ou plutôt des Mamas and Papas, Jackson Browne, Alice Cooper, Graham Parsons, Linda Ronstadt bien sûr, mais aussi Horry Dills, qui était le photographe qui est devenu un des plus célèbres au monde, pour avoir justement pendant toutes ces années relevé des centaines, des milliers de photos, et des maisons, et des gens qui y habitaient, donc il a carrément la bobine de tous ceux qui sont venus habiter dans ce quartier de Laurel Canyon. Il y a eu aussi, par exemple, plus étonnant, Harry Houdini, le magicien, mais ça c'était avant les années 60. Il y a eu aussi Carl Gable, qui est venu habiter ici. Dans les années 60 et 70, il y a David Carradine, qui habitait aussi, et vivent encore aujourd'hui quelques stars, comme Justin Timberlake, comme Lady Gaga, ou George Clooney, et une chanteuse française connue dans les années 70, vous avez peut-être du mal à vous en souvenir, qui s'appelait Esther Galil. Sans compter les nouveaux musiciens, en raison de la présence d'un studio d'enregistrement tout proche qui s'appelle The Mansion. En tout cas, tout ce petit monde-là travaillait, se côtoyait et se retrouvait le soir non loin de là, enfin tout est relatif, à Los Angeles, il y a quand même 30 km et 30 minutes en voiture, ou si vous prenez le bus, ça fait 50 km et 2 heures de bus. C'est pas pratique, mais bon, on y arrive quand même. Tout ce petit monde se retrouvait pour se rencontrer, chanter, échanger, faire le bœuf, boire des pots, parler business, croiser les filles, bien sûr, dans ce pub, lui aussi, qui est devenu mythique, le Troubadour. Le Troubadour, situé au 9081 Santa Monica Boulevard, à côté, enfin, à quelques kilomètres de l'hôtel qui a servi à la fameuse pochette du disque Hôtel California des Eagles. C'est au Troubadour que débarqua jeune inconnu anglais qui démarra sa carrière ici, avant même l'Angleterre, un certain Elton John, qui arriva inconnu au bataillon en 1970 et qui fut une vraie révélation. Ceux qui étaient présents ont tous dit, on a été complètement scotchés par ce type inconnu qui venait en plus d'Angleterre. Et évidemment, sa carrière a décollé à partir de là. On y a croisé aussi Janis Joplin en 1970, quelques d'ailleurs semaines avant l'arrivée d'Elton John, qui fit sa dernière fête là, avant d'être retrouvée morte le lendemain matin au Landmark Hotel, juste à côté. Mais vous avez sans doute tous vu le film The Rose. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le chercher. Il y a eu aussi Bob Dylan qui en 64 a joué, a fait un concert. Les gens donc après le concert sont partis et lui il a continué de jouer après la fermeture en disant aux employés, moi je continue de jouer, vous avez qu'à vous asseoir et m'écouter. Et donc il a continué à jouer pendant 2 heures devant les salariés du Troubadour, ce qui est quand même sympa, il faut bien le reconnaître. D'autres aussi sont venus jouer dans ce pub-là, comme Billy Joel, les Pointer Sisters, David Geffen, qui lui ne chantait pas, mais c'était le patron d'une petite boîte de musique qui s'appelait à l'époque Asylum, qui est devenue une grande maison de musique, et qui les fit presque tous signer dans son label. Il y a aussi Bruce Springsteen qui est venu, Van Morrison, enfin bon, la liste est interminable. En rentrant de Laurel Canyon, d'ailleurs, je vous propose qu'on passe la soirée justement au Troubadour. Et on va retrouver 2 morceaux d'anthologie enregistrés là-bas en live. On commence d'abord avec Linda Ronstadt, qui est sa chanson You're No Good. En 1974, le Troubadour était d'ailleurs dans ces années-là carrément son quartier général. Hein. Elle y venait, elle avait une maison pas loin. Elle y venait presque tous les soirs et elle testait des musiciens avec son manager John Boyler avant d'en sélectionner quelques-uns et de partir pour sa tournée de printemps. L'été c'était les festivals etc, donc elle les recrutait pour la période de printemps et certains restaient toute l'année avec elle. C'est là qu'un soir de mars 1970 elle a sélectionné 4 musiciens qui firent sa tournée de printemps et d'été. Ces musiciens jouaient alternativement, puisqu'il y avait à peu près 10 de musiciens qui entouraient Linda Ronstadt, et selon leurs occupations et les concerts, eh ben, elles prenaient tel ou tel ou tel pour tel ou tel concert. Et ces 4-là se retrouvèrent en juillet. À Disneyland, dans le Forum, il y a un forum, il y a une salle de concert en plein air à l'entrée de Disneyland, et Linda Ronstadt a joué, et c'est là que ces 4 musiciens ont joué la seule fois ensemble, avant de se connaître, de s'apprécier, et ces 4 gaillards devinrent les Eagles. Voilà, on va écouter Linda Ronstadt avec You're No Good. Good, no good. Yeah. Linda Ronstadt, You No Good. Et bien voilà, la balade à Los Angeles se termine pour ce soir. Je pense que vous situez un petit peu plus et mieux cette ville, si vous voulez jamais aller, ou cette ambiance qui pouvait régner dans les années 60 et 70. On va se quitter tout doucement avec un document rare d'août 1970. Et j'en parlais juste avant, c'était le tout premier concert du jeune Elton John au Troubadour, et on va l'écouter avec une chanson qui s'appelle 60 Years On. Pour ma part, je voudrais remercier les sources qui m'ont aidé à préparer cette émission. D'abord Arnaud Desvillard, qui a fait un super bouquin qui s'appelle « Comment se perdre en musique dans les collines d'Hollywood », mais aussi de Laurel Canyon. Un autre documentaire qui s'appelle « Laurel Canyon Follower Power », un documentaire d'Alison Elwood de 2020 que vous pouvez trouver sur YouTube. Évidemment les différentes petits articles que j'ai pu voir sur le net. Voilà, on se quitte avec cette belle chanson Elton John 60 Years On, et on se retrouve dans 15 jours, même endroit, même heure, pour une nouvelle émission. Les programmes de Fadjet se poursuivent après l'horloge de 21h. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Allez, come on Elton, ciao. Has been 10 years in the grave. Senorita, play guitar, plays it just for you. My rosary has broken, my beads have all slipped through. Hung up your great coat and you laid down your gun. You know the war you're fighting wasn't too much fun, and the future you're giving me holds nothing for a gun. I've no wish to be living 60 years on. Vintage prayers would be very much the same. back lane I plays the organ, please, it's just for you. You call a lamb that burns so low when you are passing through.